get your roots and score by coming here and doing some motherfucking music. J'entame la journée dans le col, tard déçu de la veille. Comme d'hab, je réveille chacune mes blessures et le cul de la vieille. J'attaque la journée comme un père de famille, me force à sourire, même si la vie est plus salope que le maire de Paris. Je dépose ma chère à l'école, va faire un tour sur le réseau. Trop de j'aime de com, y'a de quoi bugger, vas-y mets le son. Plus petit freestyle, en chien sans niche fiscale. Même si on froisse, on retourne pas nos vestes, mais des petites salles. On porte nos sacs de ciment, pour ça qu'on sert le masque. Pas de taf, j'ai que ma zik à vendre ou des fausses Air Max. Doigts levés, tu sais lequel, lésion dans vos airs passe. Trop de pression, manque d'oseille, on aggrave nos séquelles. Pompeur n'écoute pas de près, tu pourrais te prendre une faciale. Je ramène pas du frais, mais du glacial à 2 degrés. Si elle suce, y'a la réussite qu'on aime les gâteries. Si l'amour ressuscite, dis-lui qu'il suicide, on est déjà pris. J'entame ma journée par un verre de rhum, là je traque mon cerf de sport. On perd le nord, mais ça c'est surtout pas ce qui pèle dehors. Nous on est pâle, on est gros, mais comme des têtes de mort. Pendant que le bondé du village tripote sa graisse de porc. Pète le score, tu peux chnicave mon sexe fort. Baisse le store, car pour l'instru ça sera une scène de viol. Ma tête est pleine de drogue, alors mon frère je cogne. Le chétal sort de mon corps pendant que les vierges dorment. Écoute ma mère de fort, nous on veut faire de l'or. Mais je vois ma mère qui devient folle depuis que la terre me porte. Allume le micro, le préampé, puis mon texte sort. J'entame ma journée café clope et je mets ma paire de grolle. Barbe rousse et Jeff ont déjà roulé cette herbe folle. Trêve de com, taille de gnôle avec une bête de go. J'entame ma journée de travers, je ne suis pas très peu pro. Baroud en Suisse pour ce cri ave des grecs à 13 euros. Laisse-moi dormir ou laisse la mort rire, on sait ça tu l'âme. On sait ça tu l'âme. Laisse-moi dormir gros, laisse la mort venir, j'suis déjà plus là. Déjà plus là. Laisse-moi dormir ou laisse la mort rire, on sait ça tu l'âme. Laisse-moi dormir, laisse-moi dormir gros, laisse la mort venir, j'suis déjà plus là. J'entame ma journée comme un plaidard de chez moi. Un pétard c'est quoi, je suis de ceux qui se lèvent tôt pour rejoindre le chétan en peignoir. La tête dans le pâté, je reste dans le vague et peine à jacter. Je lâche des perles, je crache mes glaires que les pétards s'éloignent. J'ai la joie de vivre dans le casque, de trois rimes dans le sac. Si je te crois, je tire dans le tas, je suis la petite caille des douanes. Je t'annonce la couleur, alors ne parle pas de rap dès le matin. J'ai du chagrin, je balancerai ma douleur en freestyle dès le soir. À côté de mes pompes frère, j'irai terminer à Genève. Apporter le démon de Valentipop et faire crier la chienne. J'entame ma journée comme un gosse perdu, je bosse même plus gros. Je perdure dans ce que je fais, apprendre le merdier avec. Je vais lâcher du lest, casser du verbe en immersion. Si je réponds pas poteau, c'est que je n'ai pas de cellulaire. J'entame ma journée comme quand l'équipe part en tournée. Speed en stress, et pour le reste on verra. J'entame ma journée comme un pauvre, la gaule ma fin de pétard. Un renard crevé dans la gorge et sur mon pull l'odeur d'alcool et du parfum de pétasse. Une enclume dans mes pensées, je suis la moisie. Je me fous de me lever la tête en cul tant que c'est dans celui de ma voisine. Et ce qui se passe, sourire, le mien est dans le fond du fleuve. Tes larmes ne me font plus souffrir depuis que ton mère au fond du feu. J'ai l'art de faire la tronche, je suis dans une veste horrible. L'âme d'un poète, tatouage de routier, zoom sur des fesses horribles. Un tas d'erreurs qu'on referait pas gars. Je pleure peu mais t'es avec la peur qu'on le referait pas le gras. La rime pour oublier la semaine de taf, un crime pour t'oublier, la weed pour oublier. La merde se mêle sur tasse, laver nos fronts. Il est trop gros, virait. Mon fils, ton fac à de mes cesses, comme il au fond, comme un gros golferait. J'ai laissé mon numéro sur un port de Rotterne. Jeter mes véroles et mes neurones dans le port de Rotterne. Laisse-moi dormir ou laisse la mort rire, on sait ça tue l'âme. Ça tue l'âme. Laisse-moi dormir ou laisse la mort venir, j'suis déjà plus là. Déjà plus là. Laisse-moi dormir ou laisse la mort rire, on sait ça tue l'âme. Laisse-moi dormir, gros, laisse la mort rire, j'suis déjà plus là.